Et à 2h du matin, mes amis, oui, 2h du matin, nous passons de suite dans l'année 2002, si je ne vous dis pas de bêtises. Et en 2002, il s'en est passé des choses sur Fadjet. Vous le savez, hein, jusqu'à 15h, demain, nous fêtons les 30 années de Fadjet. Une heure, une année, c'est comme ça que ça se passe ici. 2002, donc, je vous le disais. Et en 2002, qu'est-ce qu'on écoutait à l'époque à la radio sur Fadjet et ailleurs? Eh bien, c'était Sophie et Liz Bextor. Je vous propose de le découvrir de suite. Qui pleuve, qui neige, qui vente, plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto, Fadjet 94.2, c'est toi ma radio. Sophie et Liz Bextor, c'est ce que vous écoutiez en 2002 sur Fadjet, bien entendu. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Et oui, 30 ans, 30 heures d'antenne en direct. Vous ne rêvez pas, 2h05 et vous êtes sur Fadjet. Nous sommes en live dans quelques instants. Nous retrouverons Mickaël pour Transpassion. Que du bon son qui vous attend encore jusque 5h du mat. En attendant, je vous propose de découvrir qui était notre directrice, la directrice de Fadjet en 2003. Elle s'appelle Laurence Favilla. Je vous propose de l'écouter de suite. Bonjour Laurence Favilla, vous étiez dans la maison de Fadjet il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre rôle à l'époque ? Directrice de Radio Fadjet, juste après Marie-Claude Vivier. Alors Marie-Claude, on l'a interviewée aussi il y a peu de temps. C'est quoi le rôle d'une directrice à Fadjet ? Comment résumer en quelques mots le rôle d'une directrice à Fadjet? Je dirais que c'est d'être complètement partie prenante d'un projet, d'un très très beau projet, que tous les rouages fonctionnent au mieux. Et surtout d'être là pour accompagner les jeunes qui viennent dans cette maison. D'accord. Alors, c'était en quelle année votre arrivée à Fadjet? En 2002. C'était l'année de la Coupe du Monde en plus, non? Alors là, ça fait pas partie de mes souvenirs, mais non, oui, mais il paraît, effectivement. Ça fait partie des miens, parce qu'il est vrai que c'était l'une des rares fois où Fadjet avait eu les droits de commenter cette Coupe du Monde. Oui. C'était un beau souvenir pour une paire de Nancéens. Donc. D'ailleurs, il y a quelques extraits de moments-là qui seront rediffusés pendant les 30 heures. Si Fadjet était un mot pour vous, ce serait quoi? Partage, parce que c'est une maison de partage. Partage au niveau de la parole. Pour moi, c'est vraiment le plus grand souvenir que j'ai de cette maison. Partage entre jeunes, entre générations aussi. Partage, bon, pas uniquement de la parole, puisqu'on échange également sur les expériences des uns et des autres, ce qui permet à tous, en fait, d'avancer. Partage aussi parce que je me souviens de soirées repas aussi, oui, qui étaient vraiment très très sympathiques, où chacun apportait, c'était un peu l'auberge espagnole, chacun apportait ce qu'il avait préparé. Donc globalement, c'est vraiment le mot partage qui me revient, oui. D'accord. Et puis, si vous aviez une anecdote, quelque chose, un événement qui vous a marqué à Fadjet, ce serait quoi? Il y a eu beaucoup de très très beaux moments. Moi, je me souviens tout particulièrement d'une soirée qu'on avait organisée où on était déguisés, en fait. Et en fait, lorsque le responsable d'antenne est descendu, bah, je ne l'ai pas reconnu, tout simplement. Ah, parce qu'il était déguisé. Il était très, très très très bien grimé. Oui, donc c'était vraiment des moments très sympathiques. On se rend compte effectivement que l'ambiance à Fadjet, c'est une ambiance bon enfant, associative. C'est vrai que c'est le projet de Fadjet de pouvoir donner la parole à tous. Ça a été toujours comme ça depuis le début de Fadjet. Est-ce que c'est quelque chose de difficile à mettre en place, le fait que tout le monde ait le droit à la parole? Parce que c'est vrai qu'une radio, la complexité, c'est de pouvoir aussi donner du temps de parole à certains, mais que ce soit un temps pour tous. Ça, c'est peut-être la complexité de Fadjet. Bah, disons que sur la mise en place, là, j'étais vraiment pour rien, parce que c'est un travail qui avait été fait par Marie-Claude, hein, et qui avait vraiment très très bien fait son boulot, donc tout était déjà en place. Moi, je suis juste arrivée pour prendre un petit peu le relais et suivre en fait ce qu'elle avait déjà mis en place, hein, elle-même. Et quand vous êtes arrivée à Fadjet, est-ce que vous vous disiez que ça continuerait encore et encore et qu'on atteindrait ce stade des 30 ans, ou c'était pas forcément un objectif vu? Je pense qu'avec un tel projet, on ne pouvait que continuer. On ne peut que continuer à vivre dans ce sens-là. Personnellement, vous avez continué des projets sociaux ou en rapport avec la radio, ou votre travail est parti sur un tout autre domaine? Non, moi je suis toujours dans le monde du social, non pas de la radio, hein, puisque je venais de l'insertion et du monde du social. C'est également le rôle que j'avais au sein de cette maison et je suis toujours dans les mêmes missions. Eh bien, merci beaucoup, Laurence Pavilla, de nous avoir raconté un petit peu cette époque à Fadjet. Merci à vous. C'est plus que radio. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. On est toujours en 2002 et au début des années 2000 sur Fadjet. Vous écoutiez la radio, y compris le midi. Vous écoutiez Midi Évasion. Je vous propose d'en redécouvrir un extrait de suite. Et juste après, nous retrouverons Mickaël pour Transpassion. C'est dans un instant sur Fadjet. Fadjet, Nancy, 94.2. Bonjour à tous, il est midi. Pendant une demi-heure, c'est Midi Évasion sur Fadjet. Et d'ici 12h30, retrouvez l'éphéméride, la météo, la rubrique découverte consacrée aujourd'hui à Jean-Yann, la rubrique passion de Ferhat, mais je ne vous en dis pas plus, les programmes télé, l'agenda, et côté musique, les Red Hot Chili Peppers, El Gaoli, Renaud et Ben Harper. Pour ce qui est de l'équipe de Midi Évasion, vous avez Jean-Luc qui réalise cette émission. Davy, salut Davy. Salut Sophie, bonjour à tous. Et Ferhat, salut Ferhat. Bonjour à tous. Bon, tout le monde est prêt dans le studio. Alors on y va. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Ladies and gentlemen, Transpassion sur Fadjet. Transpassion. Bonjour à tous. Salut les gars, ça va ? Ouais, ça va ça bien. Va, toi ? Alors, la techno ce soir, la trance, le hardstyle, l'électro, on est un petit peu tous ensemble pour fêter 30 ans de Fadjet. Après Davy, après Gauthier, pardon. Oui, c'est moi, c'est après. Toi, tu passeras après. Donc, les amis, bien petits, bien en forme. Comme il faut. Comme il faut. Ouais. Maintenant, je vais enchaîner avec un peu plus fort, un peu plus costaud. Puis Davy, il va terminer. Alors là, en bourrin. En apothéose, ouais. En bourrin. Ouais. Pas pour tout le monde. Limite hardcore, tu termineras, tu m'as ouais, dit. Tout à fait. Et je tiens à dire que pour ceux et celles qui n'ont jamais vu DJ Chronos, eh bien, c'est retransmis en live sur YouTube. Voilà, j'ai fait l'abruti, c'est bien. Allez, c'est parti. Merci, à tout à l'heure. We'll be right back. Transpassion sur Fadjet. Transpassion avec DJ Chronos. Transpassion sur Fadjet. Transpassion avec DJ Chronos. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Transpassion sur Fadjet. Transpassion. Avec DJ Chronos. We'll be right back. Transpassion sur Fadjet. Transpassion avec DJ Chronos. Drifting away. Until I'm yours this time. You know I want more than I'm into deep on the ocean floor. Come on. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Transpassion se termine donc avec ce morceau qui s'appelle Roman Messer, Break the Ice, Witness 45 Remix, des Ukrainiens et des Russes. Transpassion se termine bien sûr, mais maintenant on a Davy avec son invité DJ Divine avec du hardstyle, ça va taper bien fort. Hardstyle mélodique, j'espère, Davy, le meilleur qui existe. Allez, on continue sur Fadjet. Ciao!